Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Oubliez le monde réel et montez le volume, car vous entrez dans la réalité augmentée. That's one small step for man. Réalité augmentée, les technos à un autre niveau. Shut up and take my money! Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné, votre animateur qui prend place. Ok, oui, on est bien installé, ça c'est... On est prêt, on est parti pour une autre émission. Et pour m'accompagner cette semaine, on a Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut Jean-Benoît! Cette semaine, Daniel sera pas là. Elle retombe dans ses bonnes vieilles mauvaises habitudes de travailler au lieu de podcaster. Choker. Ouais, choker. Mais on va compenser avec un invité de marque cette semaine pour un autre entretien, une autre entrevue dans l'émission. J'ai nommé Martin Brouard, qui est producteur exécutif du jeu Zombie Tycoon 2, produit chez Frima. Il se lance dans une belle grosse aventure sur Steam et ils ont besoin de votre aide. Fait que pour en parler, on a M. Brouard avec nous. Bonjour Martin. Hey, salut. Ça va bien? Ça va super bien, vous? Yes. Dans le fond, on va commencer par la base. On va parler du jeu, du développement de celui-ci. Puis après ça, tranquillement, on ira vers Greenlight. Qu'est-ce que c'est Zombie Tycoon 2 comme type de jeu? Ben, Zombie Tycoon 2, première chose, là, c'est ce qui est assez rigolo, c'est que c'est pas un jeu de tycoon. On va régler ça tout de suite, puis demandez-moi pas de vous expliquer pourquoi c'est un petit peu une longue histoire, mais Zombie Tycoon 2, c'est un real-time strategy, donc c'est un RTS, mais qui a été développé principalement pour console. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et PlayStation Vita au mois d'avril. Donc, c'est un jeu qui est sorti sur les deux consoles et qui se joue en crossplay. Donc, je ne sais pas s'il y a un terme francophone pour dire crossplay, mais en fait... En jouabilité croisée. Exactement, bravo. Alors, ça permet de jouer... un joueur peut jouer contre quelqu'un qui est sur sa Vita alors qu'il est sur sa PlayStation 3. Donc, c'est un RTS, mais c'est aussi un RTS dans lequel on joue des zombies. Donc, dans la franchise Zombie Tycoon, c'est le deuxième jeu. On avait fait Zombie Tycoon le premier... c'était un PlayStation Mini en 2009, si je me rappelle bien. Donc, c'était un RTS aussi. Donc, dans Zombie Tycoon 2, c'est vraiment, on joue les zombies. Mais la différence, c'est qu'il y a deux factions de zombies. Donc, on peut jouer soit les zombies verts et lents du professeur Orville Tycoon, ou les nouveaux zombies rapides et très, très twitchy du professeur Brainov qui revient pour sa revanche avec sa nouvelle mouture de zombies. C'est un peu un clin d'œil à l'éternel débat qu'on retrouve sur Internet maintenant, qu'est-ce qui est le plus cool, des zombies lents ou des zombies rapides? Alors, on a décidé de faire un RTS avec ça et de dire pourquoi pas avoir la possibilité de jouer les deux. Donc, dans la campagne single player, la campagne solo, on passe à travers 8 missions dans lesquelles on joue les deux factions. C'est-à-dire qu'on commence avec les troupes de Tycoon qui rebâtit son armée qui a été décimée par les humains. Hein, parce que les zombies sont tous contre les humains dans Zombie Tycoon. Et à la moitié de la campagne, on passe du côté de Brainoff et on se met à jouer les autres unités. Comme dans tout bon RTS, quand on a terminé la campagne solo, ben on a essayé toutes les unités, tous les monstres, toutes les habiletés, et on est prêt à se lancer dans des combats en multiplayer. Et c'est probablement la force principale de Zombie Tycoon 2. C'est qu'il y a un excellent mode multijoueur, Deathmatch, donc c'est du 1 contre 1, et les joueurs peuvent choisir une des deux factions, et aussi un des monstres principaux. C'est-à-dire que c'est un RTS, mais très, très inspiré de Warcraft 3 et des MOBA, donc à la League of Legends. C'est-à-dire que chaque faction choisit un des 4 monstres et peut le leveler et le rendre meilleur, et ça va devenir une unité spécialisée, genre de Hero Units. Voilà, c'est une unité héroïque, des capacités plus que la moyenne des zombies. Exactement. Donc, ça fait beaucoup de stratégie parce qu'on se retrouve dans un jeu où, en multijoueur, on a la possibilité de jouer soit les zombies plus tough ou les zombies plus rapides. On a un des 4 héros qui sont très, très différents. T'en as un qui est tank, t'en as un qui est DPS, t'en as un qui est plus de type support, puis y en a un qui est plus, tu sais, un jack of all trades. Et Il y a aussi tous les types de zombies, c'est-à-dire que t'as deux escadrons de zombies dans un beat icon que tu contrôles en plus de ton héros et de ta base mobile. Et donc, ces zombies-là peuvent être transformés en capturant des buildings. Donc, par exemple, si on capture la dompe municipale, on peut transformer ces zombies en zombies éboueurs. Ben, ces zombies éboueurs-là, eux autres, c'est les unités à distance, donc ils tirent des poteaux de circulation, puis c'est la range unit. Si on capture le building qui est une quincaillerie, ben, on va avoir des zombies qui sont des zombies engineers. Et les zombies engineers capturent les buildings deux fois plus vite. Par contre, ils font moins de dommages. On a comme ça six sortes de types d'escouades de zombies différentes. Donc, les stratégies changent beaucoup. T'as des gens qui vont rusher avec des scouts zombies. T'en as d'autres qui vont décider de prendre des brawlers parce qu'ils stun. Donc, ils vont utiliser ça pour tuer des humains, leveler leur héros plus vite puis avoir très rapidement un héros plus fort que les autres. Donc, ça fait une multiplication, dans le fond, des options parce que t'as 6 rôles plus le héros. Donc, 7 possibilités déjà en termes d'unité plus la variante lent ou encore rapide des zombies puis la façon que tu veux attaquer la planche de jeu en multijoueur. Et on peut jouer, dans le fond, sur Internet crossplay là, d'une plateforme à l'autre. Donc, on peut être un sur PlayStation et l'autre sur sa Vita puis il n'y a pas de problème. Exactement, puis on se connecte là. Soit on peut inviter un ami à jouer, ou on peut faire simplement un quick play. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont eu le jeu, notamment gratuitement avec PlayStation Plus pendant les premières semaines du lancement du jeu. Donc il y a un gros bassin de joueurs. On voulait s'assurer que quand tu te connectes pour jouer là, ben, il y a toujours du monde pour jouer. Puis ça, ben aux dernières nouvelles, il y avait encore quelqu'un en moins d'une minute, tu te connectais puis t'avais un match. Puis il faut comprendre que c'est un jeu qui a été fait pour rester. C'est pas StarCraft 2, on s'entend que ça n'a pas la complexité, on n'a pas le budget de ça non plus, on se le cache pas. C'est un jeu qui a un côté humoristique, mais qui on voulait les parties soient courtes. Donc, en moyenne, on visait là, des matchs multiplayer de 15 minutes maximum. Je te dirais que des bons joueurs, ça peut étirer ça jusqu'à 25-26 minutes, là, des matchs assez épiques, là, où les deux héros sont levelés au niveau 4, puis là, ils commencent à avoir là, des bonnes skirmishes. Mais je te dirais que les matchs, ça va entre 6 et 20 minutes, là, mais ça fait quand même une bonne différence avec un match de League of Legends, où c'est que là, il faut que tu trouves des amis, faut que tu aies 10 personnes. Si quelqu'un te dérange, ben là, c'est la fin du monde parce que tes amis veulent t'arracher la tête parce que t'es pas focus sur la partie. Là, c'est un contre un. Tu joues des petites parties, mais ça reste que ces petites parties-là, pour des bons joueurs, là, il y a bien de la belle stratégie. Puis on est bien fiers de ça parce qu'on est tous des amateurs de jeux de stratégie. On s'est dit, un RTS sur une console, là, d'habitude, c'est plate. D'habitude, ça marche pas. Les contrôles sont à chier. Puis on a vraiment fait un gros effort pour réussir à contrôler ça comme il faut. C'est pour ça qu'on a gardé pas beaucoup d'unités. Tu sais, sur un contrôleur de console, là, t'as des thumbsticks, t'as un D-pad, puis t'as des face boutons, puis t'as des shoulder boutons. Excusez les anglicismes, là, je suis pas super bon avec les gâchettes, en français. Puis tout ça, là, ouais. Bon, de toute façon, les gamers sont habitués. Ben, c'est ce que je me dis. Donc, tu sais, sur PlayStation, là, tu contrôles ta caméra avec un de tes thumbsticks, tu déplaces ton curseur qui est tout le temps au milieu de ton écran avec l'autre thumbstick. Ton triangle là, sur PlayStation, ton bouton en haut, ben lui, il contrôle ta base mobile. Parce que je l'ai mentionné rapidement tantôt, on n'a pas le temps de construire une base et de faire des grosses défenses dans ce jeu-là. Fait que ta base mobile, en fait, c'est un Winnebago. Donc, ton héros, pas ton héros, mais ton leader, c'est soit Brainov ou Tycoon, il se promène dans un Winnebago qui se déploie, qui sort un gros minigun puis qui se défend quand il est attaqué. Ouais. Mais il respawn aussi tes unités de tes squads. Sur les deux boutons qui sont le carré puis le rond, ben là, ça contrôle tes squads. Puis ton X, c'est ton héros. En fait, tu contrôles juste 4 unités. Donc, 2 qui sont des squads, là, mais bon. Puis avec ton D-pad, ben, tu unleash les 4 powers. Fait que, tu sais, si tu joues à League of Legends, ben, tu vas avoir ton Q, ton W, ton E puis ton R. Ben là, tu vas avoir ton D-pad par en haut, sur le côté ou par en bas. Puis ça va déployer leur pouvoir spécial. T'as parlé tantôt de c'est du style RTS sur console. Je suis sûr que vous êtes meilleur que StarCraft 64. Je dis ça de même. C'est pas dur. mais sérieux, c'est une fierté parce qu'on le savait qu'on essayait quelque chose qui était vraiment. Quand pas tu parles d'RTS à quelqu'un sur console, le monde, ils regardent en haut là, avec leurs yeux, puis ils roulent leurs yeux. Là. Ben oui, mais on s'est dit, on va essayer. Puis je te dirais que notre jeu, même s'il y a encore des affaires que j'aimerais bien améliorer, ça, c'est une affaire qu'on a réussi sacrément bien, puis j'en suis bien, bien fier. Actuellement, le jeu téléchargement, par exemple, PlayStation 3 et Vita, Est-ce que vous avez une version boîte qui s'en vient éventuellement? Non, non, pour un jeu de cette ampleur-là qu'on publie nous-mêmes, c'est hors de question qu'on le sorte en boîte parce que, écoutez, commencer à faire imprimer des cartouches de Vita, commencer à imprimer des disques sans un gros publisher, c'est pas une possibilité. Puis, c'est un jeu qui est parfait pour l'ère digitale, là, des plus petits jeux à prix abordable qu'on retrouve, qu'on achète entre deux grosses productions là, à 60$. On aime ça consommer plusieurs types de jeux, mais ça, c'est plus un bite-size game. Mais il y en a quand même là, pour plusieurs heures de plaisir, pour un prix qui est relativement modique. Là, maintenant, vous vous attaquez au marché des PC via Steam, la plateforme que les gamers connaissent tous de téléchargement de jeux sur ordinateur. Première question, parce qu'on a beaucoup mis l'accent justement sur le fait que c'était crossplay PlayStation 3 et Vita. Est-ce qu'on va avoir crossplay PC et les consoles de Sony? Non, ça serait pas possible, tout simplement parce que le multiplayer sur PlayStation, il passe entièrement par les serveurs de Sony. Donc, c'est pas une possibilité pour nous. Par contre, Steam est très bien équipé avec le Steam Workshop pour faire tout le matching de multiplayer. Donc, pour nous, ça semble une bonne solution. Puis aussi, là, pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas encore complètement développé la version PC. Donc, est-ce qu'il y aurait des débalancements par rapport à est-ce que c'est plus facile sur un jeu que sur l'autre? Donc, on va vraiment avoir des écosystèmes séparés, mais ça reste que là, on vise vraiment de sortir une version très cool pour le PC. Moi, je suis un PC gamer, j'ai un compte Steam depuis 9 ans et demi, puis la plupart des jeux, je les joue sur mon PC. Fait que, tu sais, pour moi, un jeu RTS, puis tout ça, on serait bien fou de ne pas l'amener là. Puis il y a un public pour ça, il y a un public pour essayer des jeux de toutes sortes sur Steam. Tu sais, il y a des ventes sur Steam de temps en temps qui font que il y a beaucoup de gens qui vont essayer quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas essayé. On ne se le cachera pas, PlayStation, c'est une super belle c'est un super beau écosystème, mais il n'y a pas autant de monde là, que sur Steam qui vont essayer toutes sortes d'affaires différentes. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que producteur de jeu, en tant que Frima, l'entité? Vous avez un jeu, vous dites, nous, on veut aller vers ça, on a ce produit-là. Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez développé en premier lieu pour PlayStation 3, Vita, et non pas pour la concurrente de salon, la Xbox ou encore pour la Wii ou la Wii U? On a une belle relation avec PlayStation depuis plusieurs années. Tu vois, c'est le sixième titre que je produis pour PlayStation. Donc, j'ai des bons contacts là. J'ai des gens qui sont intéressés par nos idées, qui sont à l'écoute. Et il y a aussi la possibilité de s'auto-publier sur PlayStation, ce qui n'est pas le cas sur Xbox jusqu'à tout récemment où ils viennent de faire une annonce. Ça a fait grand plaisir d'ailleurs. C'est évident qu'on va se mettre à faire des jeux pour la Xbox One maintenant qu'on peut se publier là-dessus sans un publisher. C'est vraiment, vraiment une belle opportunité. À mon avis, il était temps. Pour la Wii U, c'est un peu la même chose. Mais on avait un beau partenariat et on commençait déjà à développer pour la Vita là, des mois avant que la Vita sorte. Donc, on avait une longueur d'avance là aussi pour commencer à travailler pour sortir le jeu pas trop longtemps après la sortie de cette console, qui est merveilleuse, soit dit en passant, malgré ce que bien des gens en disent. C'est pour moi une machine parfaite. Il y a beaucoup de gens qui, dans le fond, se questionnent surtout par rapport à la librairie de jeux pour la Vita, mais ça, c'est un autre dossier. Parlons maintenant de Steam Greenlight. Vous êtes là-dessus depuis le mois d'août, si je ne me trompe pas, de ce que je peux voir sur le site, parce que je suis actuellement dessus. Et une des annonces qu'on voit, c'est que vous demandez aux gens de voter pour vous autres et la réponse, elle est bonne. Il y a 91% des gens qui ont voté pour vous autres jusqu'à maintenant, qui ont visité votre page. Donc, jusqu'à maintenant, la réponse est bonne. En fait, je vais nuancer ça un peu. Ça fait 15 jours qu'on est sur Greenlight. Donc, okay. J'ai devant moi le dashboard de Steam qui me donne toutes les informations en temps réel sur les votes et tout ça. Et en fait, c'est 60% des gens qui ont voté oui. Nous autres, quand on disait 91%, c'est qu'on était à 91%, au moment où on a posté l'annoncement dont tu parles, on était à 91% du progrès vers le top 100. Ah, OK. Donc, être dans le top 100 de Steam Greenlight, c'est vraiment le premier objectif qu'il faut atteindre. Là, depuis ce temps-là, on a encore progressé. On est rendu en 63e position sur 1389 jeux. Normalement, on a parlé avec d'autres collègues, des gens, ça peut prendre des mois de se rendre, de faire une progression aussi rapide que celle-là. Donc, c'est bon signe. 60% des gens versus 40% qui vote oui à ce que notre jeu soit sur, sur Steam est aussi un très, très bon ratio par rapport à la moyenne. Mais c'est pas encore arrivé. Nous autres, tu sais, Greenlight, là, en gros, c'est Valve qui tâte le pouls de l'intérêt de sa communauté envers des jeux. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas des trucs tout croche qui sortent puis que ça intéresse personne puis que ça fait juste faire du noise un peu comme sur l'App Store. Donc, nous, de nous retrouver dans le 63e position, ce que ça dit, c'est que les gens, puis dans les commentaires, ça se reflète beaucoup aussi, les gens disent « Non, ça n'a comme pas rapport que ce jeu-là pourrait pas être là de toute façon, quitte à ce que vous ne l'achetiez pas. » Et ça, c'est la partie un peu tricky avec Greenlight, c'est que la question qu'ils posent là, c'est « Si ce jeu-là sort, est-ce que vous allez l'acheter? » Alors qu'en fait, les gens, ils peuvent voter « Oui, je crois que ce jeu-là, il a le droit d'être sur Steam. » Puis qu'il l'achète ou pas, la personne, c'est bien de ses affaires. Mais moi je trouve qu'il y a une nuance qu'il devrait avoir dans cette question-là, qui n'est pas là présentement. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, je vais voter non. » Mais en fait, je pense que plus il y a de jeux intéressants sur Steam, mieux c'est pour tout le monde. Puis moi, je pense que avec la qualité de notre produit, on va se retrouver avec un Greenlight dans pas longtemps. C'est juste que, personnellement, comme producteur, j'ai une équipe qui est prête à démarrer pour faire le port, pour faire les modifications, pour améliorer le jeu. Et le plus tôt on va avoir un go, ben, le plus tôt le jeu va pouvoir sortir, le plus tôt l'équipe va pouvoir se remettre ensuite sur un autre projet, puis on va pouvoir participer avec des ventes là, d'ici la fin de l'année sur Steam, ce qui pour nous est bien intéressant. Là. Évidemment, on est une entreprise qui a une année financière avec des objectifs à rencontrer. Donc, si on peut sortir le jeu avant la fin de l'année, ben, c'est vraiment un gros plus pour nous. Sinon, donc, sinon, ça ira sur l'année financière de l'après, non? Ben oui, c'est sûr, mais je veux dire, on essaye de... Si mon équipe peut commencer à travailler sur un autre projet ensuite, plus tôt, mais ça va être mieux parce qu'on va sortir d'autres jeux. Oui, non, je comprends. Dans le fond, ce que tu dis par rapport à Steam Greenlight, c'est qu'on devrait plus demander aux gens, est-ce que vous pensez que ce jeu-là a le calibre pour être vendu sur Steam? Oui, plus que allez-vous l'acheter? Parce que moi, comme un utilisateur de Steam, je fais mon devoir de citoyen, donc je vote souvent sur Greenlight. Puis la question que je me pose, c'est pas est-ce que je vais l'acheter? C'est est-ce que ce jeu-là, là, ça a du sens qu'il soit sur Greenlight, sur Steam. Puis à la limite, je me pose même la question, ce jeu-là, là, ça a-tu vraiment pas d'allure qu'il soit là? Fait que je vais voter principalement oui, à part sur des affaires qui ont pas d'allure. Pas parce que je vais toutes les acheter, mais parce que je me dis, qu'est-ce que ça peut bien me faire à moi que ce jeu-là soit sorti sur Greenlight si il est pas à mon goût personnel, parce que par exemple, il y a des types de jeux qui m'intéressent moins. Mais qu'il est quand même très bien. Il y a du travail et de l'amour qui ont été mis là-dedans, mesdames et messieurs. Ouais, ça veut pas dire parce que ça t'intéresse pas toi, que ça intéressera pas tes amis ou quelque chose comme ça. Puis, exactement. Ça, je veux dire, ça coûte rien de. Tu sais, d'un autre côté, Steam, de plus qu'il y a de jeux sur leur site, mieux ils sont parce que tu offres plus de choix. Tu sais. C'est important qu'ils fassent attention et puis qu'ils laissent pas passer n'importe quoi. Là. C'est clair que s'il y a trop de junk, c'est pas bon non plus. Là. Mais je pense que c'est important d'être nuancé. Puis comme tu dis, il y a des gens qui peuvent trouver ça super intéressant. Donc moi, je tiens à mentionner autre chose aussi. On n'est pas en train de faire un programme Kickstarter où on demande des sous. Là. Nous autres, on va le financer, le port. Là. On est prêt à mettre... La seule chose, c'est qu'on a besoin de la permission de sortir le jeu. Oui, non, je comprends. La chose que je trouve étonnante là-dedans, puis ben, en fait étonnante, c'est relatif, là. Ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que Martin Brouard, producteur exécutif de Zombie Tycoon 2, est un bon gars parce qu'il a besoin des votes du public. Puis au lieu de dire non à tous les autres jeux puis s'avantager, il a dit oui à plein de jeux. Fait que c'est un bon gars. Merci, mais c'est vrai, c'est ma philosophie, c'est comme on remonte pas à la surface en écrasant les autres, là. Ça marche pas comme ça. Ben voyons donc. C'est pas non. Donner des cours à certains parce que je pense qu'il y en a qui ont pas compris. Donc, on invite les gens à aller voter. On cherche Zombie Tycoon 2 sur Steam. Et aussi, ben, ça vous tente, si vous avez une PlayStation Vita, une PS3 aussi. Il y a Daniel, qui n'est pas sur l'émission ce soir, qui va faire la critique la semaine prochaine du jeu. Et on aura une copie aussi à vous faire gagner, justement, sur PS3 pour les auditeurs de la réalité augmentée. Donc, on est thématique de ce temps-là là, dans l'émission. Martin, écoute, un gros merci pour le temps que tu as passé avec nous, puis on vous souhaite la meilleure des chances. Merci d'avoir pris le temps d'être venu sur l'émission, puis c'est le fun de pouvoir encourager les entreprises de Québec qui de la province du Québec, de la ville de Québec qui offrent un produit de haute qualité, puis vous avez juste besoin d'un petit coup de main, un petit tape dans le dos, puis on va inviter nos auditeurs à aller vous donner cette tape-là justement pour vous aider. Je vous remercie beaucoup puis de m'avoir invité, puis aussi de dire à vos auditeurs de partager cette nouvelle-là puis de nous aider à atteindre notre objectif. Fait que, j'espère qu'on va être plusieurs à jouer en multiplayer à Zombie Tycoon 2 les uns contre les autres. Puis si je peux vous donner un conseil, transformez vos zombies de base en des zombies spécialisés parce que ça va vous donner un bon edge. Le truc du créateur. Fait que moi, je viens d'aller voter. Ceux qui veulent avoir le lien direct, juste allez voir sur mon Twitter, @Calazormo. Puis vous allez voir, je vais avoir tweeté steamcommunity.com/ puis le lien disparaît à cause de Twitter. Mais juste cliquez là-dessus, ça va vous amener directement au lien. On va le mettre aussi sur le Twitter de la réalité augmentée. Bien entendu, question de vous aider et en lien aussi sur affairesdegas.com, là où on met l'émission. On va mettre le lien partout, question de vous aider, la gang de Frima. Merci. Salut là. Bye. Bye. Donc, c'était Martin Brouard qui est producteur exécutif pour le jeu Zombie Tycoon 2. Producteur exécutif qui travaille du côté de Frima et qui veulent avoir notre coup de main pour le Steam Greenlight. Luc, j'ai pas fait la mise en place là, de l'émission, les sujets qu'on était pour aborder. On pourrait faire un simili début de show là, ça te tente. Non, oh ouais, moi je te suis, c'est toi le boss. Je le sais, mais bon, je t'avertis. Moi, je reçois juste un chèque de pas de paye. Et ça devrait continuer ici. Ça devrait être stable pour les prochaines années. Écoute, ça ne baissera pas, c'est l'avantage. Ouais, c'est ça, au moins ça, tu peux pas me couper mon chèque. Non, exactement. Je vais peut-être sauver sur le timbre poste, par exemple, éventuellement. C'est vrai. À la fin de l'émission, je vais vous parler de Gunman Live sur iOS que j'ai testé. Il est disponible aussi sur la plateforme de téléchargement de la 3DS de Nintendo. C'est un genre de Mega Man dans un univers de cowboy dans le Far West. C'est bien bien cool. J'ai adoré mon expérience. Quelques petits défauts. Toujours, il n'y a pas de jeu parfait dans la vie, mais particulièrement quand on est sur une plateforme mobile où est-ce qu'on n'a pas de Python, ça aide pas, mais on va en parler à la toute fin de l'émission. Et là, Luc, maintenant, tu nous parles de Mario et Luigi Dream Team. Oui, Mario et Luigi Dream Team, j'ai eu l'occasion d'aller au lancement. Justement, j'en avais parlé sur l'émission il y a quelques semaines, ma mémoire me fait défaut, mais j'avais eu la chance de rencontrer aussi Julie Gagnon de chez Nintendo qui me parle un peu du jeu, c'est quoi. Donc, on va écouter ça, puis après ça, je vais vous parler de mon expérience de jeu. Alors aujourd'hui, on est à la ronde, invité par Nintendo Canada pour un événement, pour le lancement d'un nouveau jeu sur la 3DS qui s'appelle Mario et Luigi Dream Team. Je suis avec Julie Gagnon de Nintendo Canada. Bonjour Julie. Bonjour. Alors Julie, c'est quoi l'événement que vous faites aujourd'hui à la ronde? Aujourd'hui, on est à l'expérience Nintendo. Ça se passe aujourd'hui samedi et dimanche pour le lancement de Mario et Luigi Dream Team qui sort ce dimanche 11 août. Donc, l'expérience Nintendo regroupe vraiment plusieurs consoles, des 3DS, 3DS XL, des Wii U. Et nous, on a envahi les 3DS et 3DS XL avec 14 jeux qui jouent le jeu Mario et Luigi Dream Team. On a Mario et Luigi en personne qui sont là avec nous. On donne des présents aux enfants, il y a des tirages, donc c'est une belle journée pour toute la famille, pour Nintendo. Oui, c'est bien, il y a beaucoup de gens, j'ai vu des jeunes et des moins jeunes jouer avec les DS, avec les 3DS, avec les Wii U. Les gens ont l'air à se faire beaucoup de plaisir, mais aujourd'hui vous êtes là pour le nouveau jeu de Mario et Luigi Dream Team. C'est quoi ce jeu-là? On est où dans l'histoire? Mais c'est le quatrième de la franchise Mario et Luigi, qui est un jeu de rôle avec nos plombiers préférés. Et l'histoire se passe littéralement dans les rêves de Luigi. Donc, Mario doit entrer dans les rêves de Luigi pour sauver l'île des Coussinos, mais évidemment encore la princesse qui s'est ramassée dans le monde du rêve également. Donc, c'est vraiment un jeu qui est très loufoque, avec beaucoup d'action. Les gens vont trouver que l'humour est très présent aussi. Évidemment, il est disponible en français pour le Québec. Est-ce que c'est multijoueur ou c'est un joueur seulement? C'est un jeu un joueur. C'est un jeu un joueur. Je l'ai essayé un peu. J'ai eu la chance de l'essayer un peu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais moi, je suis habitué aux anciens Mario, vraiment les platformers. Est-ce que c'est quelque chose qui va être facile pour les gens qui n'ont jamais joué à ce jeu-là à embarquer là-dedans? J'ai remarqué qu'on prend beaucoup les gens par la main, on nous aide à comprendre le système de jeu. Est-ce que c'est un jeu qui est facile à comprendre pour à peu près tout le monde? Oui, il y a un bon tutoriel au début, puis évidemment, il y a quand même du texte, l'histoire prend une belle place, mais par la suite, je vous dirais, c'est un très beau mélange entre le jeu de rôle et justement le jeu de plateforme. Parce que dans les rêves de Luigi, Mario se promène comme dans un jeu de plateforme, mais après ça, là, on a les éléments jeu de rôle, comme par exemple, on peut perfectionner ses vêtements, son équipement. Donc, il y a différents éléments qui sont apportés comme ça. Alors, ça donne beaucoup de fraîcheur aussi. Les gens qui sont habitués à la franchise vont reconnaître le système de combat et les mêmes éléments. Par contre, les gens qui débutent vont trouver aussi quand même qu'il y a des éléments nouveaux, puis vont trouver que c'est une franchise très rafraîchissante également. Ça va très bien. Donc, ça sort le 11 août. Le 11 août partout, téléchargeable sur le Nintendo eShop ou en magasin. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Bienvenue. Donc, voilà de l'entretien que Luc t'a réalisé avec Julie Gagnon de Nintendo Canada. Oui, Julie, qui est vraiment super sympathique. Donc, Mario Luigi Dream Team, moi, bon, d'emblée, je vais vous dire, j'avais essayé le jeu à l'expérience Nintendo à la ronde, puis j'avais pas été conquis sur le coup, parce que, bon, une des raisons, c'est que, bon, t'arrives, il y a des DS placés sur un comptoir, t'arrives là, puis parce que tu sais pas où ce que t'es rendu. La personne qui est en avant de toi a sacré son camp, a laissé la console là, puis t'es rendu où la personne a laissé le jeu. Fait que là, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je m'en aille? C'est quoi? Il faut que je trouve? Puis là, tu n'étais pas trop sûr. Mais j'avais trouvé que la mécanique de jeu était le fun, les graphismes étaient beaux et tout ça. Mais j'avais pas eu le temps vraiment de m'immiscer dans le jeu. Là, j'ai réussi à avoir le jeu. Julie m'a envoyé une copie pour jouer pendant deux semaines. Et puis là, j'ai vraiment commencé le jeu du début. Donc, c'est quoi Mario Luigi? Comme Julie nous dit, c'est un jeu, c'est un Mario et Luigi, c'est un RPG. C'est pas seulement un jeu de Mario classique qui est un platformer. Ce qu'on appelle un side-scroller où on s'en va de droite à gauche et c'est à peu près tout. L'interface, le jeu de base, c'est vraiment un peu comme bon, un Mario Galaxy ou un Mario 64 où on voit Mario du dessus puis on se promène dans un monde qui est quand même assez ouvert, qui est en 3D. On se promène là-dedans et puis quand on a un combat à faire, si on touche un ennemi, donc si on par hasard on marche puis on rentre dans un ennemi, on commence le combat. Puis là, c'est vraiment un RPG, ça veut dire c'est un tour par tour. On choisit notre attaque. Au début, on peut juste sauter sur la tête de l'ennemi. Puis après ça, on va gagner d'autres habilités comme des marteaux, des choses comme ça pour frapper les ennemis. Puis là, c'est vraiment tour par tour. J'attaque l'ennemi, Luigi attaque l'ennemi. Puis après ça, les ennemis nous attaquent chacun leur tour. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut éviter les attaques. On peut genre sauter puis tomber sur la tête de l'ennemi pour y faire du dommage au lieu de nous manger du dommage. Il y a beaucoup d'RPG où tu manges du dommage puis c'est vraiment comme un hasard combien est-ce qu'il t'en enlève. Là-dedans, on peut au moins esquiver. Donc, il y a vraiment trois styles de mécanique de jeu dans ça. C'est qu'on a, bon, on se promène en 3D, style, comme je disais, Mario 64. Les combats, c'est vraiment, normalement, on a notre personnage qui est à gauche, les ennemis qui sont à droite, puis on attaque de gauche à droite. Les ennemis attaquent de droite à gauche. Puis on a aussi certains ennemis qui vont transformer le tableau. On voit vraiment comme Mario de dos qui court soit vers le fond de la 3DS ou vers nous pour esquiver des choses. Donc ça, c'est vraiment un autre angle de jeu. Donc on a ça. Puis on a aussi, quand on tombe dans le monde des rêves, là on tombe dans un vrai style Mario qui est un side-scroller, c'est-à-dire on marche de droite à gauche puis on tape des ennemis. Mais le combat, c'est toujours la même chose. C'est toujours des scènes de combat, c'est-à-dire on s'en va dans un monde différent. On ne fait pas juste comme dans Super Mario Bros. Wii, où on saute sur la tête de l'ennemi puis l'ennemi est mort. Faut vraiment, on touche à l'ennemi puis là, on tombe dans un mode de combat où on choisit nos attaques et tout ça. On peut se prendre un champignon. Au lieu d'attaquer, on peut se prendre un champignon pour se renforcer et tout ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui est intéressant parce que, bon, la mécanique change selon les combats, on se promène et tout ça. On a aussi la chance, ce qui est le fun, c'est que si, au lieu de bon, juste frapper l'ennemi, on décide de sauter sur l'ennemi ou de le frapper avec le marteau qu'on gagne à un moment donné dans le jeu, bien, on inflige des dommages en partant à l'ennemi, même avant que le combat commence. Fait qu'on peut baisser leur force pour être capable de le battre par après en lui sautant sa tête avant. Mais c'est ça. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'on contrôle Mario et Luigi en même temps. Ça veut dire que le bouton A fait sauter Mario, le bouton B fait sauter Luigi. Fait que quand on se promène, puis il faut sauter d'une plateforme à l'autre, faut pas oublier de faire sauter Luigi aussi, parce que Mario saute sa plateforme à côté, puis Luigi tombe dans le trou. Fait que ça, tu sais, ça, c'est quelque chose à penser. C'est vraiment que tu contrôles les deux personnages en même temps. Mais le jeu est vraiment un jeu incroyable. Bon, l'histoire, j'ai pas parlé d'histoire. L'histoire, c'est simple. C'est Mario et Luigi se font inviter sur l'île des Cousinos pour des vacances. Puis quand on arrive là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se passe qui est un peu croche. La princesse, encore, se fait enlever. Et puis, mais pas par Bowser, cette fois-là. Par un méchant qui s'appelle Phébius, si je me rappelle bien. Il l'emmène dans le monde des rêves. Puis là, on découvre que bon, il y a des Cousinos qui sont les personnages de ce monde-là qui se sont fait enlever, se sont fait transformer dans des pierres de rêve, sont en forme d'oreiller. Puis, ce qu'il faut faire pour les sauver, il faut faire dormir Luigi. C'est-à-dire, Luigi se couche sur un oreiller, dort instantanément, même que je le regardais des fois puis je l'haïssais. Je me disais, j'aimerais-tu ça m'endormir vite de même le soir quand je me mets la tête sur mon oreiller? Puis, c'est drôle parce que le jeu est beaucoup humoristique. T'sais. Il dit, comment est-ce qu'il fait pour s'endormir si vite que ça, lui? Ça prend comme 2 secondes, il se met la tête sur l'oreiller. Puis là, il y a une bulle qui rouvre, une bulle de couleur arc-en-ciel. Puis là, Mario saute dedans. Puis on se ramasse dans le monde des rêves. Ce qui est le fun, c'est que quand on se bat dans le monde, bon, entre parenthèses, réel, le monde des Cousinos, c'est que on se bat Mario et Luigi ensemble. Fait que chaque personnage a son attaque, puis après ça, les ennemis nous attaquent. Quand on est dans le monde des rêves, Luigi sert à plus que ça. Luigi n'est pas physiquement toujours là. Ben, Luigi dort, donc c'est un Oni Luigi, parce qu'on est dans le monde onirique, le monde des rêves. C'est Oni Luigi qui est en arrière de nous. Bon, on nous explique un peu l'histoire, là, puis tout ça. C'est vraiment intéressant. Les graphismes sont vraiment super beaux aussi. Là. J'ai vraiment été impressionné. Puis même la 3D, moi qui déteste la 3D pour les jeux, je l'ai enlevé au début, puis à un moment donné, je l'ai mis, puis j'ai comme tombé en amour avec la 3D de ce jeu-là. Fait que quand t'es dans le monde des rêves, dans le monde qu'ils appellent onirique, Luigi est là, mais il peut se transformer, il peut s'en aller dans un objet. Ça peut être un arbre avec une grosse moustache, puis là, on peut prendre la moustache pour propulser Mario dans les airs, ou une tornade, quelqu'un qui va souffler, puis ça va faire rapprocher des blocs, comme tu vas marcher, puis tu vas avoir un bloc avec l'espèce de point d'interrogation qui a des sous dedans, ou des choses de même, des cadeaux dedans, qui est dans le fond, puis tu sautes en avant. Fait que tu fais envoyer Luigi là-dedans en appuyant sur le bouton, sur la gâchette de droite, puis après ça, le bouton B, il rentre dans la tornade. Quand tu, avec ton doigt, tu vas dans le deuxième écran de la console, qui est en bas, tu y chatouilles le nez, il éternue, puis ça fait pousser le bloc, parce qu'il éternue en haut aussi, dans ses rêves, ça fait pousser le bloc vers toi, puis tu peux changer le tableau de la manière comme ça, tu peux faire tourner des blocs en soufflant, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment super le fun. Il y a plein de mécaniques de jeu différentes selon les tableaux. T'as une mécanique à un moment donné où ton Luigi se multiplie en des dizaines et des dizaines de Luigi, puis ça fait comme une grosse pyramide de Luigi, puis Mario est sur le dessus. Ça te permet de tuer tous les ennemis qui sont sur ton chemin ou de faire pencher l'espèce de pile de Luigi pour aller pousser sur un bouton. Ou tu sais, c'est vraiment pété comme environnement. C'est le fun, les producteurs de ce Mario-là ont pas juste pris comme la sauce habituelle, puis c'est tout, tu sais. On s'est permis quelques latitudes, puis ça paye. De la façon que tu m'en parles, là, ça paye pour une fois. Oui, c'est vraiment... Au début, c'est bon. T'sais, moi, je suis pas RPG, je vais l'avouer. Je suis pas RPG. Les Final Fantasy, les jeux comme ça, ça m'intéresse pas. Puis quand j'ai vu que Mario Luigi Dream Team, quand j'ai vu ça à Ron, que c'était un RPG, j'ai dit, bon, j'accrocherai pas. Puis je vais l'essayer, mais je suis sûr que j'aimerais pas ça. Je me suis fourvoyé, puis pas à peu près. Parce que j'ai commencé à jouer au jeu, puis j'étais plus capable de mettre la DS de côté, puis c'est pas la mienne. C'est fourvoyé. Hein? C'est ça. Ouais, je me suis vraiment trompé. Comme je disais, j'étais pas capable de laisser tomber le jeu, puis ça a 3DS à mon fils, c'est pas la mienne. Fait que j'y donnais sa vieille DS en attendant. Je disais, papa, notre besoin, tu sais. Fait que j'ai vraiment accroché au jeu. Je l'amenais au travail sur mon heure de dîner, je jouais, je revenais à la maison, je jouais un peu. C'est vraiment, j'ai vraiment, vraiment accroché dans ce jeu-là. Il y a même, tu sais, on change les mécaniques de combat d'un tableau à l'autre. Il y a même, à un moment donné, c'est un combat de titan. Luigi devient vraiment titanesque, super gros. Puis il se bat contre un gros robot. Puis là, on vire la 3DS de côté. Fait qu'au lieu de la prendre avec les deux écrans, un en haut de l'autre, on les met l'écran un à côté de l'autre. Puis là, on prend le stylet, puis il faut faire des actions sur l'écran avec le stylet pour ce mode de combat-là. L'univers est vraiment grand. Tout n'est pas ouvert directement en partant. Il faut fouiller un peu, mais on ne fouille pas trop. Ça veut dire que normalement, quand on a, mettons, une porte à ouvrir, ben ça se trouve dans l'écran où on est présentement. Il faut juste chercher un peu puis regarder quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Tu sais, à un moment donné, je cherchais comment passer dans une autre zone. Je dis, ouais, on n'est pas capable de passer dans l'autre zone. Puis là, je vois à un moment donné, ah, il y a un tuyau vert. Ben oui, les tuyaux verts dans Mario, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait descendre dans le trou puis ça te fait aller ailleurs. Tu sais. Je descends dans le trou. Ah, regardons, la switch pour ouvrir la porte est là. Tu sais. Fait que c'est vraiment une mécanique de jeu qui est vraiment superbe. Les graphismes, je veux dire, j'ai resté surpris comment beau c'était. C'est coloré, c'est vraiment dessin animé. Tu sais, on n'a pas essayé d'aller dans le réalisme, on va vraiment dans le cartoon, dans le dessin animé, mais c'est super bien fait. Les couleurs, les tableaux sont super beaux. Quand on est dans le monde des rêves de Luigi, on s'est permis de faire ça, tu sais, péter, là, faire ça un peu, tu sais, vraiment, on a sorti notre imagination, là, puis on a fait des tableaux qui sont vraiment superbes, puis, je veux dire, la 3D, quand on va tuer un ennemi, on a des étoiles qui vont venir vers nous autres, puis c'est vraiment super bien fait, on a bien utilisé ça, puis c'est pas trop, tu sais, on n'utilise pas la 3D comme juste, bon, on a une machine 3D, fait qu'on va mettre la 3D. C'est bien utilisé. Non, vraiment, c'est un jeu qui m'a surpris dans sa mécanique. L'histoire est intéressante aussi. On veut savoir, bon, qu'est-ce qui a enlevé la princesse, puis pourquoi. Puis là, à un moment donné, bon, on la retrouve, mais on la repère. Tu sais, c'est vraiment plus simple que, ah, la princesse est dans un autre château. Tu le savais peut-être pas, là, mais elle est plus loin là-bas. Mais tu sais, c'est vraiment différent. On embarque, moi en tout cas, moi j'ai embarqué dans l'histoire. C'est vraiment un jeu qui m'a pris par surprise parce que j'étais sûr que j'étais pour pas l'aimer. Puis j'ai parti avec cette idée-là dans la tête. Puis ça, dans ce temps-là, c'est traître parce que justement, le jeu part avec deux prises au bâton. Fait qu'il faut qu'il soit bon vite, sinon. Hein. Ouais, non, puis c'est vraiment ça. C'est un jeu qui m'a agréablement surpris. Puis je vais aller me l'acheter. Je l'ai retourné à Julie lundi. Puis je vais aller me l'acheter parce que je veux. Faudrait que je recommence ma partie, par exemple. J'étais rendu au niveau 13. Mais bon, faudrait que je recommence ma partie à zéro. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Tu sais, je sais où m'en aller maintenant. Puis c'est plus facile. Mais je veux finir l'histoire. Je veux voir où est-ce que ça s'en va. Je veux terminer le jeu. Puis oui, je sais qu'à la fin, on va sauver la princesse. Puis il va y avoir un Mario et Luigi RPG 5. Parce que ça, c'est le quatrième de la série des Mario RPG, sûrement. Mais je veux dire, ça marche, c'est ben le fun. Ben non. La princesse, elle meurt écartelée. Ah, peut-être. Mais tu sais, on aime ça souvent, tu sais, frapper sur Nintendo, dire « Ah, Mario, c'est tout le temps pareil, puis c'est la princesse fait enlever, ben oui, puis qu'il a juste trouvé une autre blonde, puis ça va être plus facile pour lui, tu sais. » Mais dans ce jeu-là, c'est juste le fun. Les graphismes sont le fun, l'histoire est le fun, il y a de l'interaction. Chaque petit bonhomme que tu vois dans le monde des Coussinos, puis c'est plein de petits bonhommes, tu peux aller leur parler. Des fois, ils vont juste te dire une petite niaiserie. « Ah, moi, j'attends ici parce que ma blonde s'en revient. » C'est quelque chose de même. Mais tu peux interagir avec tous les personnages. Tu sais, il y a pas de personnage qui tu vas peser sur un bouton, sur A, pour leur parler, puis il se passera rien. Il va toujours se passer quelque chose. Fait que c'est super le fun. L'univers est riche. Puis, je pense que c'est vraiment un bon coup de Nintendo, jeu-là. Il est seulement disponible sur la Nintendo 3DS. Comme vous avez entendu dans l'entrevue, il est sorti le 11 août. Fait qu'il est déjà disponible. Courez pas à Ronde en fin de semaine pour aller voir les 3DS avec les jeux. Ça fait un petit bout de temps de l'entrevue, là. Mais c'est vraiment super le fun. Moi, je vais lui donner. J'ai vu d'autres titres. J'avais déjà mis ma note de côté avant de donner cette note-là. Je suis peut-être plus haut que certains sites. Moi, je donne un gros 9 sur 10. Wow. J'aurais donné même un 9.5. La seule chose qui me tape un peu, puis c'est parce que je l'ai joué en français, j'ai de la misère avec la nouvelle. Je sais qu'ils font ça pour bien faire, mais j'ai de la misère avec, depuis Mario Galaxy, le Québécois forcé dans les jeux de Nintendo. Le « Hey, toi, viens ici! » Puis, tu sais, ça me tape un peu ses nerfs. Ça n'a pas juste pas l'air naturel, mais c'est drôle au début, mais après ça, tu vois que tous les personnages parlent vraiment comme québécois, tu sais. Je trouve ça un peu tannant. Un français normalisé, un français international, c'est comme un peu dans les films de Disney ou les films de DreamWorks, ça serait correct. T'sais. Mais là, vraiment, québécois, je trouve par bout, ça fait un peu bizarre. T'sais. Pauline a fait dire que c'est bien correct. Okay, ouais, là. C'est ça. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est le jeu vaut la peine. Si vous avez une 3DS, ben prenez vos jambes puis allez vous chercher ce jeu-là en magasin ou téléchargez-le. Mais c'est un jeu que ça vous prend dans votre collection de jeux 3DS. C'est un excellent jeu. C'est un jeu que vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer. Puis vous le regretterez vraiment pas. Comme je dis, la seule place où j'enlève un peu de points, c'est le français québécois qui, à un moment donné, je trouvais que ça venait comme trop, ça venait un peu agressif. Mais deux, trois personnages qui parlent vraiment québécois dans le jeu, c'est correct quand sont toutes comme ça. Puis il y a vraiment, il y a certains personnages que tu rencontres, c'est vraiment, là, pour utiliser un terme anglais, over the top. Ils sont vraiment québécois. Québécois, des Elvis Gratton là, quand ça parle. Ils mangent une poutine quand tu parles, tu sais. Ouais, puis c'est un peu trop, là, tu sais. Mais un excellent jeu, je peux juste vous conseiller d'aller l'acheter. Je sais qu'il y a eu d'autres critiques qui en ont déjà parlé. Je suis en retard à comparer des autres, mais pour un gars qui n'est pas du tout de ce type de jeu-là, pour l'avoir aimé tant que ça, je pense que ça vaut la peine d'aller l'acheter. Il est à peu près 40$, je pense. Copie physique, la copie sur le magasin de Nintendo, je ne sais pas, mais la copie physique est 39$, je pense. Puis c'est un 39$ bien investi. Moi, j'ai joué à peu près, je dirais, entre 10 et 12 heures. Puis j'étais loin d'être rendu à la fin de l'histoire. D'après moi, il en restait encore pas mal. Fait qu'on doit jouer dans le 20 heures de jeu, peut-être. Je peux me tromper, là, mais ça ne me surprendrait pas. Si on cherche tout ce qu'il y a dedans, on peut peut-être même aller plus que ça. Mais pour finir l'histoire sans tout chercher, je pense qu'on peut au moins compter un 20 heures de jeu. Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, que Nintendo nous explique pourquoi tout le monde s'en prend à la princesse. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? T'sais? Oui, elle a un château. Oui, elle a un royaume. Mais la kidnapper, est-ce que ça te donne le royaume? Non, je comprends pas. J'aimerais ça que peut-être même qu'on y aille avec un jeu qu'on campe Bowser, puis le but, c'est justement de contourner toutes les protections que Mario et Luigi ont faites pour protéger la princesse, pour se rendre et la kidnapper. Ce serait cool. Ce serait une façon de retourner cette histoire-là qu'on a maintes fois entendue puis vue avec des twists qui sont finalement des variantes sur un même thème. T'sais, ça serait un peu différent. Ce serait cool. Oui, mais Bowser, il est pas en amour avec? Mais je pense que Bowser, c'est parce qu'il est en amour avec la princesse. Tu tends ça de l'amour pour vrai? Ben, en tout cas, je sais qu'il y a un kick dessus. Là. Je sais que lui, il est laid à mourir, puis je comprends la princesse de vouloir se sauver. Là. Mais je veux dire, je pense que dans le fin fond de lui, Bowser, il est en amour. Peut-être. Oui, c'est beau l'amour, mais pas lui. Moi, ça, là. ouais, mais ça, l'amour, moi, je comprends pas ça, tu sais, voyons. Ils disent l'amour en aveugle, mais on dirait que pour Peach, elle est pas encore assez aveugle. Non, hein? mais non, c'est un excellent jeu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis je vais le rejouer, mais que j'ai un peu de temps. Ce côté romantique est une présentation de la réalité augmentée. C'était oui, beau, là. Hein? Mettons. Hey, moi aussi, j'ai un jeu à te parler, Luc. Et regarde donc ça, c'est un platformer. Et c'est quoi la prémisse de base? C'est la fille du shérif qui s'est fait enlever. Ah, c'est une princesse? Ou? Ben, presque. C'est un petit shérif, le roi du village, la princesse, sa fille. Tu sais, ça ressemble pas mal à ça. C'est un jeu sur iOS dont je vais vous parler. Il est disponible aussi sur la plateforme 3DS en téléchargement sur le eShop. Et c'est un jeu de cowboy platformer à la Megaman. Vous allez devoir vous rendre du point A au point B pour essayer d'aller chercher votre princesse en talon avec des catching là, pour les faire du cheval. OK, on a les petites affaires pour donner les étoiles. Des coups de pied au cheval, les faire avancer. Là. Catching, catching, catching quand tu marches, ouais. Ouais, c'est après ça, ça demande quoi que le cheval veut te kicker dans la face quand tu passes en arrière, mais bon, voilà. Oui. Donc, ce jeu-là se nomme Gunman Clive et c'est disponible au prix de 1,99 sur iOS. C'est vraiment pas cher. Moi, je suis du genre à ne jamais payer pour un jeu sur iOS. C'est bien, bien rare que je vais passer justement cette barrière-là et cheap. Aller... Oui, non, je sais. Mais je sais pas pourquoi, j'ai comme une barrière psychologique. Je suis pas capable de, tu sais, comme... payer sur iOS. Je sais pas pourquoi. On dirait que je me sens... il y en a tellement des gratuits avant. Je vais passer à travers les autres. C'est parce que c'est pour ça que sur iOS, il y a tant de jeux gratuits qui te vendent tout plein de gugus à 99 cents jusqu'à 99$. Ouais, je sais. Je ne veux pas tarte, là, mais bon, on est des consommateurs avertis, mettons. Ouais, c'est disponible aussi sur Android en passant. C'est un jeu à la Metroid, mais Megaman. Donc, tout simplement, du point A jusqu'au point B, on va devoir affronter des trous, des plateformes, passer de l'une à l'autre et surtout affronter des adversaires qui vont vouloir nous tuer. Des loups, des cavaliers, des tireurs d'élite, des gens avec des grenades. Peu importe, les situations sont assez rocambolesques par endroit. Et surtout, et ça c'est la force du jeu, les boss de niveau qui sont vraiment très très trippants. On est dans un univers de cowboys, tout se tient tout au long du niveau. Les adversaires sont des cowboys qui utilisent des armes de cowboys, tu sais. Et on arrive à la fin des niveaux et on affronte des grosses machines robotisées qui prennent le trois quarts de l'écran. C'est vraiment cool. Exemple, un des niveaux au début du jeu, on va affronter une locomotive qui va se transformer genre en gros robot qui te lance des salves de balles pour essayer de te tuer. Ça, c'est comme un... Ça fait comme un clash, tu sais. C'est tellement On est-tu un peu comme dans l'univers du film avec Will Smith, de Ben Coupe d'année, qui s'appelait Wild Wild West? Non, c'est pas tout à fait dans ce genre-là, même pas pantoute, mais c'est en fait, il y a un parallèle à faire. Oui, je comprends le pourquoi tu t'as pensé à ce film-là, mais tu sais, il y a des petits trucs mécanisés, des plateformes qui bougent grâce à ce qu'on voit, là, des mécanismes, mais l'emphase n'est pas mise là-dessus, tu sais. Notre personnage est vraiment genre un cowboy qui tire lui, a pas de technologie. Là. C'est la bonne vieille méthode du rentre dans le tas puis doit passer à travers les différentes épreuves. Mais le principe des boss qui sont, eux, vraiment technologiques, qui sont des robots. Mais tu sais, des robots un peu comme dans Wild Wild West, justement, là, qui sont, tu sais... C'est pas pantoute comme ça, mais t'arrêtes pas de revenir au film que je viens de te nommer. Non, mais il y a pas des araignées qui volent, des enfants de la même. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on va quand même voir, genre, du rapiessage, le robot, son corps, il est fait en tonneau à bière, tu sais, comme si c'était fait avec des outils de cette époque-là, de la conquête de l'eau. Ouest américain et qu'on avait réussi à les mécaniser, tu sais. Donc ce côté-là robotisé mais à l'ancienne, c'est vraiment très très cool. Les boss sont juste immenses. Ça c'est le fun parce que oui, tu dis il y a un challenge. Oui, il faut que j'apprenne ces façons de procéder, ces rondes d'attaque. Faut que je les apprenne par cœur pour le battre. Mais quand tu le bats, tu dis écoute, moi, mon bonhomme, il y a 2 pouces de haut. Là, tiens, on avait genre 26, mais je l'ai eu. C'est un sentiment de gloire et de tu te sens vainqueur. Ça, c'est le fun. L'accomplissement, ça, c'est le fun dans un jeu. Bien sûr, moi, l'ayant joué sur iOS, une des choses qui est dommage, c'est l'absence de pitons. On veut des pitons et pas les serpents, mais bien des boutons là. On les cherche constamment. On cherche la pression, tu sais, de savoir qu'il y a une réactivité et surtout que, tu sais, à force de regarder l'écran, t'as tes doigts de placer, mais tu veux aller vers la droite. Involontairement, ton pouce va se déplacer vers la droite. C'est instinctif pratiquement. Puis en n'ayant pas de rebord, en n'ayant pas de bouton, justement, ben, on glisse à côté. Puis là, finalement, tu voulais tirer, mais tu vas sauter à la place. Ça m'amène justement au contrôle. Des contrôles qui sont simples, gauche-droite, sauter. Tu peux te pencher par en bas, question d'éviter les balles à l'hauteur de la tête et du torse, un peu comme dans un Mario, là, tu vas te pencher pour éviter la partie haute des tirs, et à l'inverse, quand il y a des tirs bas, il va falloir que tu sautes au-dessus. Et après ça, on a tiré et on a sauté. C'est tout, on a simplifié les contrôles au maximum, et tant mieux, parce que sur une plateforme avec un écran tactile comme celui-là, comme sur iOS et Android, moins t'as de contrôle, mieux c'est. Et on réussit quand même à nous amener une jouabilité qui est vraiment très, très cool, qui est réactive. Le bonhomme, il fait ce qu'on veut quand on veut. Il y a peut-être un peu les sauts où est-ce que là, on sent que écoute, ça t'étire la sauce un peu, c'est tout le temps un peu juste. Je vais-tu avoir assez d'élan? On n'a pas d'impression de vitesse dans les sauts, où est-ce que, à la manière d'un Mario, tu dis, sais, si je me mets à courir, je vais sauter plus loin. Notre bonhomme, il est tout le temps en mode marche. Fait qu'on se dit tout le temps, hey boy, que je serais pas capable de me rendre jusqu'à là. OK, puis tu réussis pareil. Oui, c'est ça, on réussit quand même. On finit par s'habituer, mais tu sais, cette idée-là de dire, ah, écoute, je suis un peu serré sur les sauts, on s'habitue, mais ça reste toujours un peu présent. Le level design, la façon dont les tableaux sont faits, les possibilités, éventuellement, on va avoir des genres de ressorts qui vont nous permettre de sauter plus loin, des plateformes qui se déplacent au droit, à gauche, vers le haut, vers le bas, en curve qu'on va devoir atteindre. Il y a des tableaux qui, c'est vraiment, on met de l'avant de la haute voltige. Là. Ça devient assez précis comment faire nos sauts, faut avoir le bon rythme pour les prendre de la bonne façon. Puis en plus, avec les adversaires, faut tirer. Et là, on finit par chercher un peu nos Python. Mais malgré tout, le jeu est assez bien conçu côté contrôle, vu que c'est simplifié. On y arrive, là, somme toute, avec un peu de pratique. Mais la difficulté vient beaucoup de là, du level design et aussi des contrôles. Parce que il y a plusieurs fois, je me suis dit, hey, avoir une manette, là, hey, que je te l'aurais clenché, là, si j'aurais pas vécu ce problème-là. Tu sais, aurait donné toute une. Écoute, je suis mort à cette place-là. Ah, dommage, tu sais. Parce que si j'avais une manette, je l'aurais eu. Il y a une couple de fois, je me suis dit ça. Et à l'inverse, il y a des fois, je me suis dit, hey, c'est cool, même sans manette, je suis capable d'y arriver. Fait que, tu sais, il y a une question de calibrage là, qui, normalement, est assez bien faite. On y arrive, somme toute, assez bien. Le jeu, comme je te dis, côté level design, on se dit, hey, écoute, univers de cowboy, on va être dans le désert. Au début, c'est ça. On va se rendre en ville, on va se rendre en campagne. Et on finit par se rendre sur la Lune. Étonnamment, on finit par se rendre là. Fouille-moi comment on y arrive. Pourquoi que écoute, la fille du shérif d'une petite ville est enlevée puis amenée sur la Lune. Fouille-moi, je sais pas pourquoi, mais on finit par se rendre là. Et à ce moment-là, les niveaux, il y a une nouvelle dynamique de faut que tu contrôles la gravité, tu vas marcher au plafond via des mécanismes. Donc, il y a une belle variante dans les niveaux. C'est pas toujours du « Ah, OK, j'ai X, Y, Z comme type de plateforme ou d'épreuve, puis je les mets dans un ordre différent juste pour faire un nouveau niveau, tu sais. » OK. Ça, c'est le fun pour ça. Mais tu sais, tu dis, t'es surprenamment, tu te ramasses à la Lune, tu vois, les robots faits avec des tonneaux de bière, ça t'avait pas déjà étonnant partant, tu veux dire, après ça, sky's the limit. Oh, oui, non, c'est ça. Ben, tu sais, ça marche dans cet univers-là, mais tu sais, comment ça que, tu sais, ton but, tu kidnappes la fille d'un shérif, là. Tu sais, c'est pas la fille du président des États-Unis ou, c'est quelqu'un de hyper important, c'est juste une fille, puis tu te ramasses à la Lune, c'est un peu pété, tu sais. Ouais, mais si le shérif t'a dit, garde, tu vas chercher ma fille, ou ben. ou ben. Fait que tu vas chercher sa fille. Tu sais. Fait que, tu sais, on a réussi à faire un jeu qui est vraiment très, très cool, de prise en main, de level design. Tout ça fait par un seul homme. Il se nomme Bertil Orgberg. Je ne sais pas sa nationalité, je ne sais pas d'où ce qui est issu, mais le gars a du talent. Graphisme, tu sais, le design, je ne sais pas si tu étais voir, tape Gunman Clive sur Google. Toi aussi, auditeur, fais ça sur Google. Va je voir. Fais ça en ce moment. Oui, on t'entend te le taper sur ton Gunman, clavier. Gunman Clive, mais ouais. Oui, c'est joli. C'est genre pastel, tu sais. C'est comme si on avait fait un dessin animé qui bougeait avec le fond vraiment plus pâle. Puis là, tu as les éléments avec lesquels tu interagis qui sont comme au-devant un peu plus foncés. C'est comme si on avait pris tu sais, des bâtons de craie, là, et que pour faire les intérieurs, la coloration, c'est comme si tu passais ton pouce sur le trait pour après ça étendre la couleur. C'est vraiment fait comme si c'était à la main. Je suis convaincu qu'au départ, c'était fait à la main, puis après ça, il a construit son engin graphique pour pouvoir faire ce style de design-là plus rapidement. Mais on voit qu'il y a une attention particulière au design. Déjà, les levels sont bien faits, sont bien construits, puis en plus, c'est joli. C'est tout dans les teintes de pastel, de quelques petits éléments qui, eux, vont changer de couleur. Exemple, les ennemis, tu vas en avoir des bleus, tu vas en avoir des rouges, tu vas avoir, exemple, un cactus ici et là qui est vert, tu sais. Mais le reste, c'est tout comme si tu étais sur une feuille de papier jaunie par le temps, tu sais. C'est vraiment très, très joli. Puis la façon qu'on a réussi à intégrer les contrôles dans l'écran avec le même design, ça clash pas en ayant en plus nos pouces dessus. On finit par oublier qu'ils sont là. On les voit même plus, tellement qu'on est On est pris dans l'aventure. On a vraiment fait une belle job de ce côté-là pour nous créer une ambiance. Ça donne des gros, des beaux gros graphismes dans le jeu sans être surchargé. Parce que tout est finalement beige, tout est jauni, tu sais, tout est en fond jaune, mais il y a plein de petits détails, ça fait que tu portes plus attention à ce qui est vraiment important dans le jeu. On réussit à mettre l'accent sur les trucs importants, et pourtant, tout l'ensemble, même si il y a pas tant d'éléments que ça qui sont à l'écran, tout est beau, tout est là, tout est à sa place. C'est vraiment, on a fait un beau travail de ce côté-là. Plusieurs niveaux, il y en a une vingaine qui sont après ça séparés en sous-division. Si j'ai un point négatif, outre les contrôles, outre l'histoire qui est, somme toute, assez banale là, et commune, c'est probablement là, dans cette répartition des niveaux et des points de sauvegarde. T'as pas de points de sauvegarde à l'intérieur d'un niveau. Tu vas seulement en avoir quand tu termines, tu te rends du point A au point B de cette sous-division d'un stage, là, comme on pourrait dire. C'est comme des checkpoints. T'as pas de checkpoint dans les niveaux. Donc, mettons que ton niveau, il fait comme 3-4 écrans, t'as des adversaires, tu dois avancer, tu dois te rendre jusqu'à l'autre bout. Eh bien, tant que t'as pas fini cette partie-là, il n'y a pas de sauvegarde. Et quand tu arrives dans un tableau, où est-ce que tu as, mettons, le trou, là, la place où est-ce que tu te plantes tout le temps, puis c'est la dernière affaire que tu fais, c'est plate de devoir recommencer, ce qui est l'équivalent de peut-être 3 à 4 minutes de jeu, tu sais, plein d'épreuves, plein de trucs à faire. Fait que ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé, vu qu'on est sur plateforme mobile, vu qu'en plus, on n'a pas de contrôle physique, là, on n'a pas de contrôle de bouton physique, tu sais, des fois, là, ben oui, t'accroches, tu sais, ton doigt est un petit peu plus à gauche, finalement, t'as pas sauté, t'as tiré, tu sais, il y a un peu cette notion-là qui rend le jeu un peu plus difficile. J'aurais aimé ça qu'on pardonne plus avec des sauvegardes plus fréquentes, plus nombreuses, tu sais, quitte à sous-diviser les niveaux rendus là, tu sais. Ça, j'aurais apprécié parce qu'il y a certains endroits où est-ce que la difficulté est assez retard, tu sais, ça va te faire rager puis tu vas le reprendre une couple de fois. Donc, des points de sauvegarde mieux positionnés, plus nombreux, j'aurais beaucoup apprécié. Il y a un système de power-up. On a trois améliorations qu'on peut avoir. Des balles plus grosses, plus lentes, mais qui vont faire plus de dommages. On a des balles triples qui vont faire un peu comme un genre de triangle. Une qui va aller en diagonale vers le haut, une en diagonale vers le bas et une tout droit. Et on va avoir une genre de balle un peu tête chercheuse dans le style que, mettons que tu es... au niveau zéro, là, dans le bas de l'image, t'as un adversaire qui, lui, est plutôt dans le coin en haut à droite, eh bien, ta balle va faire une curve pour se rendre vers l'ennemi. Mais si l'ennemi se déplace vers la gauche, la balle, elle ne suivra pas, tu sais. Elle va se diriger vers lui jusqu'à une certaine limite. Là, elle va pas faire une curve de 90 degrés, là, mais elle va se diriger vers l'ennemi. Fait que ça peut être des... ça va t'aider, tu sais, dans ta progression à certains endroits, ces power-up-là. On a une jauge de vie, et dès qu'on se fait toucher, si on a un power-up, on le perd. Donc, il faut faire attention. Quand on les a, on y fait attention. Chose à noter aussi, quand on revient sur nos pas, tout ce qui est ennemi qu'on a tué réapparaît. Donc, quand il y a un point où est-ce que tu pèses et là, ça fait apparaître, ça fait qu'il y a un ennemi qui rentre par, mettons, vers la droite. Si tu le tues, tu reviens vers la gauche, tu repèses sur ce point-là, ben, il va réapparaître, tu sais. Donc, un garde-robe générateur d'ennemis, genre. Exactement, tu sais. Ça, c'est un peu dommage parce que des fois, tu vas faire comme, hey, écoute, je vais vider l'écran, j'ai un power-up qui m'attend, genre, sur la gauche, j'ai avancé un peu sur la droite. Fait que là, je reviens, puis tout ce que l'écran, ben, tout ce qu'il y a qui disparaît sur la droite, vu que tu recules vers la gauche, ben, quand tu vas revenir, mettons qu'il y avait un ennemi que lui, son point d'apparition était un pied plus loin sur ta droite, quand tu vas repasser dessus, il va réapparaître, tu sais. On n'a pas de, comme ce que j'appellerais une conscience de niveau. Il y a, mettons, 100 ennemis, plus j'en ai tué, moins il en reste à tuer, tu sais. Là, c'est illimité. Tant que tu repasses sur le point d'apparition du personnage qui le déclenche, il va réapparaître le nombre de fois que tu vas passer. Fait que ça, c'est un peu dommage. Mais je peux comprendre les limitations techniques là, de la console qui dit, ben, tu sais, Mané, je peux pas limiter là, tant que ça les données que j'ai pour coder le jeu. Fait que je dois couper à quelque part. Puis ça, c'est probablement un raccourci qu'on a pris. Mais c'est un peu choquant dans certaines occasions. Si c'est un gars vraiment qui a programmé le jeu au complet, Je veux dire, il faut y laisser. Ah ouais, non, il y a une marge de manœuvre. Je lui donne le bénéfice du doute. Je veux dire, à un moment donné, tu fais toute la job tout seul. Il y a des compagnies qui sont des équipes complètes qui font des jeux et qui ne font pas nécessairement mieux. Je trouve que c'est quand même acceptable. J'y lève mon chapeau haut la main. Ouais, c'est vraiment beau comme jeu. Les graphismes sont intéressants. Il y a une touche particulière qui est très agréable, ça flatte l'œil. Écoute, moi, je suis tombé en amour. Si vous voulez voir des images, si vous voulez avoir une autre opinion, il y a les gars de Rétro Nouveau qui en ont déjà fait la critique là, dans leur capsule vidéo. Si jamais vous voulez avoir une autre opinion, eux aussi avaient bien apprécié. Moi, je vais lui donner un 7.5 sur 10 parce que justement, le gars, il est tout seul pour avoir fait ça. Je veux l'encourager, je veux lui lever mon chapeau, comme je vous ai dit. Il y a de nombreuses qualités, il y a de nombreux défauts. C'est pas un jeu qui est parfait, mais c'est un effort qui est tout à fait louable. Et vous allez en avoir amplement pour votre argent à 1,99 sur iOS. Je ne sais pas son prix, par contre, sur la 3DS, sur le eShop, mais ça doit ressembler à ça. Les yeux fermés, si vous êtes des amateurs de Mega Man, c'est un Mega Man-like qui se tient parfaitement bien, qui n'est pas le plus long, qui n'est pas le plus dur. Surtout avec des boutons, ça doit améliorer la jouabilité et le niveau de difficulté. Mais vous allez avoir du beau gros plaisir. Vous allez avoir du fun avec ça. Vous allez en avoir pour votre argent et de loin. Gunman Clive sur iOS et 3DS et Android. Allez-y les yeux fermés. Ouais, ça c'est bien. Puis c'est le fun d'encourager un gars comme ça. Il a fait vraiment ça tout seul. Il travaille fort. Puis je me dis, 1,99 pour encourager le gars, ça vaut la peine. C'est sorti le 3 avril 2012. Donc, écoute, ça fait pas longtemps que c'est sorti. Tu vas être le premier dans ta gang de chums à avoir ça. Puis tu vas pouvoir dire, hey, moi, je joue à ça. Puis écoute, ça va être toi qui va être le hot qui va avoir de montrer le jeu à tes chums. Fait que vas-y, les yeux fermés, c'est un téléphone intelligent, ça te prend ça. Ou encore une 3DS, là, c'est un petit side game, là, ben le fun. Ben, achetez-vous ça, puis en deux parties de Mario Luigi, vous jouerez à Gunman Clive. Exactement. Je vous rappelle qu'on a toujours un concours qui est actif actuellement dans le cadre de l'émission de la réalité augmentée. On a 4 jeux à vous faire gagner. Vous nous envoyez par courriel podcastrealitéaugmentée@gmail.com. C'est notre adresse courriel, super simple. Vous nous dites, dans le fond, les 4 jeux, dans quel ordre vous les voudriez. Un petit merci en passant, ça serait apprécié. Tu sais, c'est plate, tu sais, dire moi je veux ça, puis bye, tu sais, un petit merci, c'est le fun, tu sais. Bon, c'est correct. On est gentil, tu sais. Les jeux, écoute, on a c'est des bons jeux, puis en plus, à gratis, ça va à peine. Medal of Honor, Mirror's Edge, ça c'est un sleeper hit. J'en ai fait la critique dans un épisode précédent. Si vous êtes amateur de jeux de plateforme, de first person shooter, c'est un mélange entre les deux. Imaginez, c'est vraiment cool. J'ai adoré mon expérience. Burnout Paradise et Crysis 2 Maximum Edition. C'est des jeux que vous devez avoir ça. Vous devez avoir joué à ça. Puis en plus, pour gratis, grâce à nous autres, ça vaut la peine. On a quelques participants actuellement. Donc, ça vaut la peine de participer. Tes chances sont bonnes, le gars. Ouais, je vais m'envoyer un email tantôt. Yes. Donc, en passant, juste comme ça, il y a 2$ aussi sur le 3DS. Ah, OK. Bon, ben c'est cool. Merci de la vérification. Ben, je pense que c'est 2$ US, mais mettons 2,50 ouais, peut-être. C'est genre, là. Tirage lors du prochain épisode pour ce concours-là. Vous avez jusqu'au 18 septembre, 18h, pour participer. Puis dans le prochain épisode, on lancera un nouveau concours. On va avoir une copie de Zombie Tycoon 2 à faire gagner, une copie numérique sur PS3. Un gros merci d'ailleurs à Martin Brouard, qui est producteur exécutif du jeu, qui est venu sur l'émission un peu plus tôt. On vous invite à aller d'ailleurs sur Steam Greenlight pour aller leur donner une petite tape dans le dos et faire qu'il soit disponible sur cette plateforme-là pour les joueurs PC. Ça serait très apprécié. C'est un excellent jeu. Vous allez avoir du fun pour les amateurs de RTS. Même si vous n'avez pas l'intention de jouer, c'est un petit studio québécois qui travaille fort pour essayer de mettre des bons jeux sur le marché. Allez juste leur faire un petit clic puis dire « oui, je serais intéressé à l'acheter ». Puis vous n'êtes pas obligé de l'acheter quand il va sortir si vous ne le voulez pas, mais au moins, encouragez-les. Il est super sympathique en plus, Martin. Regarde. Hey, Frima, ils se battent contre des immenses compagnies puis réussissent à tirer leur épingle du jeu puis c'est québécois. T'sais. Juste ça, tu sais. juste un peu de fierté patriotique. Là, hein? Tout ce que ça prend, c'est de faire des bons jeux pour sortir du lot. Exactement. Excellent. Et bon, on s'en tire assez bien chez Frima. Luc, un gros merci d'avoir été là. Je veux, avant qu'on se quitte, que tu me dises où on te retrouve sur le web. Bien, sur Twitter, le petit oiseau pit-pit, sur Ask Alazormo. Puis sinon, vous pouvez aller faire un tour sur soit lepodcastauto.ca, qui est le site du podcast auto, ou cgep.com, qui est surtout le site ces temps-ci pour mon podcast Histoire de Gamer, qui se termine dans deux émissions. Donc, il reste seulement deux émissions à ça. Puis, c'est à peu près ça. Si vous m'écrivez sur Twitter, il y a des bonnes chances que je vous réponde. Je réponds normalement pas mal à tout le monde. Es-tu capable de nous confirmer le prochain invité pour Histoire de Gamer? Oui, ce sera Laurent Lassalle. Qui est éditeur en chef de du renouveau de branchezvous.com. qui est anciennement pour Radio-Canada. Oui, puis il a été à Monsieur Net. Pis ça. Puis même, gars, je vais vous donner un scoop. Là, juste ceux qui écoutent Réalité Augmentée vont le savoir tout de suite. Mon dernier invité, c'est FDL, François-Dominique Laramé. Qu'on a déjà eu comme collaborateur sur le show. C'est ça, on va terminer ça avec lui en beauté. Cool. Après ça, ben c'est ça. Ça va être la fin de Histoire de Gamer qui aura quand même duré. Presque deux ans avec 22 épisodes, ça fait pas mal le tour. Eh oui, tu sais, la sphère des gamers là, québécois là, qui ont de l'envergure et qui sont connus du public, ça fait pas mal le tour. C'est cool, ça. C'est une belle ride, comme on dit. C'est ça. C'est sûr qu'il y a d'autres mondes à qui j'ai peut-être pas pensé, que les gens vont dire « Ouais, t'as raison d'inviter lui, mais bon, à un moment donné, je manque de temps et je peux pas nécessairement rejoindre tout le monde non plus. » Donc, 22, c'est quand même un bon chiffre. Puis toi, ça suffit de parler de moi. Puis toi, mon Jean-Benoît, comment peut-on te rejoindre sur les intertubes? Ben, j'ai mon compte à moi, personnel, sur Twitter, @gangj_b. Sinon, ben, je gère le compte officiel de la réalité augmentée @RealitéHog. On est sur Facebook aussi. On est sur Facebook? Ben oui, on est sur Facebook. T'es sûr? Oh, okay. OK, c'est correct. T'as l'air d'avoir un doute là, dans la voix. Il me semble qu'il n'y a pas grande activité là-dessus. Ouais, mais on est là pareil. OK, c'est correct. Et je veux vous rappeler, en fait, je veux vous l'annoncer peut-être que ben on va lancer une nouvelle saison de la réalité augmentée. Nouveau logo, nouvelle image sonore, aussi nouveau thème d'introduction. Et on aura aussi une nouvelle présentation au début de l'émission. On se garde le secret pour l'instant. Si vous voulez voir en exclusivité, ce qu'on est de même, nous autres, on est exclusif. Réalité augmentée, c'est comme, tu sais, ça va tellement ensemble. Ouais, tellement bien que oui. Moi, voir les logos en exclusivité, c'est comme, tu sais. Ben, tu sais, ça, puis... Ouais, mais il est plus beau que le nouveau chandail de Team Canada, en tout cas. Ah, c'est pas dur. vous venez à l'événement du Warp Zone 6 du côté de Québec. Ça se déroule samedi le 14 septembre. Ça commence en après-midi, puis ça finit à 2h du matin. Du jeu rétro, du gaming, des conférences. Moi et Luc, la petite famille en prime, on va être là pour cet événement-là. Et on va arborer nos nouveaux t-shirts avec le nouveau logo de la réalité augmentée. Fait que, tu sais, avant tout le monde, vedette que tu seras, toi le chanceux. Tellement, porter le logo en premier. Puis les gens qui s'intéressera après cet événement-là, on va mettre en ligne une boutique si ça vous tente d'acheter les chandails. C'est pas vraiment pas pour faire de l'argent puis partir en vacances sur une balloune. Ça fait pas vraiment beaucoup. Ça paye un peu, mais c'est vraiment pas grand-chose. Mais si ça vous tente de porter, pour utiliser un terme que tu as utilisé cette semaine, un gaminet à l'effigie de réalité augmentée, vous allez pouvoir le faire. J'aimerais juste remercier Olivier Leblanc-Lucier qui avait fait l'ancien logo à nos débuts pour réalité augmentée. Je veux dire, il est super gentil, Olivier. Il a fait les logos de tous mes podcasts. C'est lui qui les a fait. Que ce soit le nouveau pour Histoire de Gamer ou celui de Podcast Auto, c'est lui qui a fait ces deux logos-là. Un chic type. On change pas de logo parce qu'on le trouve laid, le logo. C'est parce qu'on veut juste faire un changement pour la deuxième saison. Puis je veux juste le remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup du temps qu'il a pris pour faire tous ces logos-là pour nous autres. C'est super gentil. Yes. L'histoire, c'est que j'asais avec Maxime Giguère, celui qui fait le nouveau logo. Je fais « Hey, il y a ton logo. » Il dit « Hey, je pourrais t'en faire un. » OK. Il m'est arrivé avec 2-3 propositions, puis on a fait comme, ben oui, OK, ça serait cool. Puis c'est deuxième saison, puis renouveau. Puis on s'est dit que l'occasion était belle, fait que pourquoi pas. Alors, c'est ça. Nouveau logo qu'on vous présentera samedi 14 septembre au Warp Zone 6 du côté de Québec. C'est au Musée de la civilisation. Tu sais, big. Nous autres, on découvre notre nouveau logo d'un musée, tu sais. Regarde, c'est nouveau et c'est vieux en même temps. Ça fait big. Ouais, c'est ça. Un gros merci, Luc. Écoute, on va arrêter de radoter. On dit un gros merci à vous, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous encore une fois. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Merci. Salut, merci. Là. Merci, bye.